Je rentre du taf, ma femme me raconte sa journée. Elle me parle de ses copines et franchement je m'en passerai. Elle me dit que Christine a bu du lait qui a tourné. Mais dites-moi si ça intéresserait. Et elle me saoule avec ses commérages de bureau. Oui, elle me saoule avec ses collègues et leurs mythos. Et elle me saoule avec aujourd'hui t'as fait quoi de beau. Mais moi j'ai juste envie de lui dire: dis tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, juste m'oublier, me laisser respirer. Dis tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, sans me saouler, ma tête va exploser. On avait décidé de faire une soirée entre amis. On est sorti en boîte au lieu de faire un rami. Pas de chance pour nous, un pote déprimé s'est ramené, vient de se faire larguer par sa petite amie. Et il me saoule avec, elle était tout pour moi. Et il me saoule avec, sans elle je deviens quoi. Et il me saoule avec, dis-moi toi tu ferais quoi. Mais moi j'ai juste envie de lui dire: si tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, juste m'oublier, me laisser respirer. Si tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, sans me saouler, ma tête va exploser. Si tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, juste m'oublier, me laisser respirer. Si tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, sans me saouler, ma tête va exploser. On dit que le silence est d'or, que la parole est d'argent. Je préfère quand tu dors, c'est bien moins fatigant.